Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est reparti pour la tranche de disco funk du samedi soir. J'espère que ça la va pour vous, car on va commencer par la découverte du jour. Alton McLean and Destiny est un groupe originaire de Los Angeles qui s'est formé en 1978. C'est un trio composé de Alton McLean, Dolores Warren et Roberta Stinger. Leur période d'activité a duré 3 ans, c'est vous dire qu'ils n'ont pas été très prolifique car seulement 2 albums seront produits. Et là, tout de suite, on va s'écouter It Must Be Love, paru en 1979. C'est parti! Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Les 100 hits nous font voyager toutes les semaines. En 1968, The Supremes enregistre Forever Came Today, arrangé dans la tradition soul pop de la Motown. La version de Jackson 5 est confiée à des arrangeurs qui ont déjà travaillé pour les Commodores ou Marvin Gaye. Ils imaginent un beat disco basé sur le fameux galop de cheval. Cette simplicité fera date puisque des centaines de titres disco utiliseront ce type de groove, souvent de manière plus mécanique. Le morceau fonctionne aussi sur la piste de danse grâce à ses différents niveaux d'intensité. Le beat disco s'efface parfois pour laisser de la place au chant et mieux revenir pour faire décoller la rythmique. Ce classique est une sorte de mode d'emploi du disco. Michael, dont la voix muée est gagnée en force, assure le lead, épaulé par Jermaine. Ses pas de danse révolutionnaires, notamment le robot qu'il exécute sur le hit Dancing Machine, font déjà de lui une star des pistes de danse. Après deux albums plutôt soul, ils reprennent leur envol et produisent eux-mêmes les disco Blame It on the Boogie ou Shake Your Body, plus connus du grand public. C'était en 1975 et ça donnait ça. Enchaîne avec notre rubrique des 100 meilleurs albums disco-funk avec la suite de Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. L'album aborde plusieurs genres musicaux, soul, rhythm and blues, pop et même jazz rock, avec l'instrumental de Contusion avec sa partie de guitare électrique évoquant John McLaughlin. Le pianiste Herbie Hancock assure une partie de piano électrique sur As. Le titre Sir Duke est un hommage à Duke Ellington, tandis que Isn't She Lovely est dédié à sa fille qui venait de naître. Songs in the Key of Life a eu de nombreuses distinctions et a donné lieu à plusieurs tubes, souvent repris ou échantillonnés, au cours des décennies suivantes. Stevie Wonder a reçu 4 Grammy Awards pour cet album en 1976. La meilleure performance vocale pop masculine, la meilleure performance vocale Rhythm and Blues masculine, le Grammy Award de l'album de l'année et le Grammy Award du producteur de l'année. En France, Songs in the Key of Life s'est vendu à 303 000 exemplaires. On va s'écouter Isn't She Lovely. Leave. le maxi, direction les souvenirs avec le groupe Voyage. Vous ne le savez sans doute pas, mais il s'agit d'un groupe français actif entre 1977 et 1982. Il était composé de André Pézin, Marc Chantereau, Pierre-Alain Dahan et Sauveur Malia, qui jouait de la basse d'ailleurs, avec la chanteuse britannique Sylvia Mason-James. Elle a officié à partir du second album Let's Fly Away, paru en 1978. Et cet album-là, il contient le titre Souvenir. C'est parti. Yeah. On va se quitter bientôt, mais avant, on va s'écouter une pépite. C'est Diana Ross qui a les honneurs avec « For Once in My Life ». Ce titre a été enregistré durant les sessions de l'album Ross, paru en 1978. Après mûre réflexion, cette chanson ne figurera pas sur l'album final. Me demandez pas pourquoi. Ce ne sera qu'en 1983 que la Motown décidera de l'inclure dans sa compilation « Motown Superstars Sings Motown Superstars ». Et comme on aime bien Diana, on va s'en payer une tranche. Il est temps de se quitter. Je vais vous dire à bonne semaine. Rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye. We'll be right back.